où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme, où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme, où sont passés ceux qui désirent, qui depuis des années rament, où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame, où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme, où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme, où sont passés ceux qui résistent, qui depuis des années rament, où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame. Ok. L'honneur dans le hip-hop, belle illusion. Car comme dans la vie, j'enchaîne cruelle déception. Constat amer, nombreux sont les faux bons. De mecs qui n'ont jamais su garder leur position. Combien choisissent le rap comme phénomène de mode? Peux-tu me dire ce qu'il y a un mois, tourné dans ton iPod? Même instru, même baggy, même casquette, même clip. Même intru, même racli, même tapette, même clic. Regarde dans quel état ils ont mis notre culture. Abruti par les médias, ça frise la caricature. Mais dans l'immédiat, je vois rien de beau pour le futur. Donc je big up tous les gars qui comme moi taffent l'écriture. Soldats de l'ombre, on reste militants. Pas prêt de capituler, 100% hip-hop. Mais je n'ai pas de style particulier. Les réseaux sont devenus des défilés de basse couture. Où les marques de streetwear encaissent les grosses coupures. Pas sûr que les SDF soient son saut par ta queumard. Toi tu vises plutôt les nightclubs des grands boulevards. Strass et paillettes font partie de ton quotidien. Le carré VIP, maintenant tu connais bien. Enlève les magazines et les télés, ces mecs passent à la trappe. Ceux qui se proclament numéro 1 ne s'appellent pas Sky Rap. Ce texte n'est qu'un constat des lieux de la détérioration de notre milieu. Loin d'être blasé, j'aspire juste à mieux. Ouais. Où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme? Où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme? Où sont passés ceux qui résistent, qui depuis des années rament? Où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame? Où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme? Où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme? Où sont passés ceux qui résistent, qui depuis des années rament? Où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame? Regarde le nombre de jeunes talents dans l'ombre. Regarde. Qui tentent de se faire entendre, mais les perspectives sont bien sombres. Car certains MC sombres dans un rap dénué de sens. Faire du bifton, telle est la tendance. Revenir aux vraies valeurs, voilà le message que je lance. R.A.P. musique de revendication par excellence. Ouais, ouais. Par excès, l'époque de tous les excès. Les caries font toujours plus, donc toi t'es vexé. Combien se lance dans le rap sans rien y connaître? Des dizaines de faux styles, ici j'ai vu naître. Ça va de la mauvaise graine qui se la joue au style, mais rentre chez sa maman en trottinette. Sortent leur armement dans les clips, mais le soir jouent à la dinette. Parle peu de vrais sujets, seulement de gangsters, ils font diversion. Je suis de ceux qui se nourrissent de divers sons. J'écoute de tout pour trouver mon inspiration. Avant de poser sur instru, révise tes classiques. Tu comprendras que ce mouvement se résume pas à psychiatre et cynique. On m'a demandé de rapper avec les tripes. Je m'excuse, je rappe avec le cœur et c'est pour ça que tu flippes. En plus, selon toi, je n'ai pas la couleur appropriée. Peut-être trop blanc, j'en arrive à trop prier. Pour que ces gens bornés retrouvent le droit chemin. Aujourd'hui, les médias ont toutes les cartes en main. Leur but c'est faire du chiffre, peu importe l'humain. Rien à foutre du talent, ils créent les tubes de demain. Où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme? Où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme? Où sont passés ceux qui résistent, qui depuis des années rament? Où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame? Où sont passés les puristes, les paupers dans l'âme? Où sont passés les artistes qui n'ont plus hip-hop comme calme? Où sont passés ceux qui résistent, qui depuis des années rament? Où sont passés les pacifistes, qui seulement le beat crame?